بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل قراءتنا في كتاب قواعد المثلة سائلين الله عز وجل التوفيق والسداد وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وبعد ما زلنا في دراسة القاعدة الثانية في قواعد الأدلة في قواعد الأدلة. Donc on va continuer, Inch'Allah, sans plus attendre, sur l'étude des règles exemplaires concernant les attributs divins et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc concernant ses attributs et ses noms. Et donc, on est toujours sur l'étude de la deuxième règle concernant les textes et les preuves. Donc là, on est dans l'étude de règles très importantes. Donc il faut bien se concentrer pour bien comprendre les propos de l'auteur dans son œuvre ici, qui est très bénéfique concernant le domaine des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, glorifié soit-il. Et donc on a commencé dans la dernière assise la deuxième règle concernant les attributs. Donc dans la première règle, on a étudié ce qui a précédé, on a longuement parlé de la première règle, on a même répété cette règle-là pour bien qu'elle soit assimilée et comprise. Là, on va passer sans plus attendre et continuer sans plus attendre sur l'étude de la deuxième règle qui est immensément importante aussi. Fi bab al-asma wa al-sifat. Qala al-musannifu fiha. Al-qa'idat al-thaniya. Al-wajibu fi nusus al-Qur'an wa al-sunnah. Ijra'uha ala zahiriha. Duna tahrifin. La siyama nusus al-sifat. Et donc dans cette règle, on apprend que l'auteur nous dit que l'obligation concernant les textes sacrés du Coran et de la Sunna de les prendre selon le sens apparent, sans avoir recours à la falsification, sans altérer et ni falsifier. La siyama nusus as-sifat. Et il dit surtout concernant les textes d'attributs. Donc comme on l'a appris dans les assises précédentes, lorsqu'on dit les textes d'attributs, ce sont soit des versets, des passages dans le Coran, ou bien des hadiths, des paroles du prophète, as-salam, qui sont liés aux attributs d'Allah, où il y a la mention d'attributs du Créateur. D'Allah subhanahu wa ta'ala. On appelle ça des textes d'attributs. Et donc on apprend dans cette règle qu'il faille les comprendre selon al-zahir, selon le sens apparent. C'est-à-dire ne pas avoir recours à la falsification ni à l'interprétation lorsqu'on est face à un texte qu'on appelle d'attributs. Et l'auteur ensuite nous explique une base essentielle pour bien comprendre ce sujet. Il nous dit وَعْلَمْ أَنَّ الْكَلَامَ قَدْ يَكُونُ نَصًا لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ وَقَدْ يَكُونَ ظَاهِرًا يَحْتَمِلُ تَأْوِيلًا مَرَجُوحًا وَقَدْ يَكُونَ مُحْتَمِلًا لِلْوَجْهَيْنِ عَلَى السَّوَاءِ فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ. Et ensuite l'auteur, et on s'est arrêté sur ça dans la dernière assise, on avait commencé à expliciter cette base et cet enseignement important, lorsque l'auteur ensuite nous dit « Et sache que la parole peut être un texte, la yartemilu ta'wil, un texte qui ne suppose pas d'interprétation. » C'est-à-dire que la parole, et comprenez bien cela, la parole peut être un texte qui n'admet pas ou ne permet pas ici d'interprétation. Deuxièmement, il dit وَقَدْ يَكُنْ ظَاهِرًا يَحْتَمِلُ تَأْوِيلًا مَرْجُوحًا. Tandis que deuxièmement, la parole peut être un texte qui suppose قَدْ يَكُنْ ظَاهِرًا يَحْتَمِلُ. L'apparence du texte peut supposer une interprétation mais qui est invraisemblable. Mais qui serait invraisemblable dans le sens qui ne serait pas le plus vraisemblable, le plus plausible, si vous voulez. Donc, le texte, ici, peut supposer, peut admettre une interprétation, sauf l'interprétation, ce n'est pas le sens le plus plausible. C'est ça ce qu'on appelle « al-marjouh », comme on l'a appris dans la dernière assise. Ou bien, « qad yakuna muhtamilan lil-wajhayn », ou bien le texte peut supposer les deux. Peut supposer les deux, c'est-à-dire le sens apparent peut supposer l'interprétation et cette interprétation à la sawa. Les deux sens peuvent supposer, c'est-à-dire deux sens, et les deux sens peuvent être vraisemblables et plausibles. Il n'y a pas un parmi les deux sens qui l'emporte sur l'autre. On avait dit donc trois catégories. Cette troisième catégorie qu'on vient de citer, lorsque deux sens sont supposés et les deux sont vraisemblables, c'est-à-dire plausibles, on a dit natawakkaf. Là, on s'abstient. Natawakkaf, comme dit l'auteur dans cette troisième catégorie. Faqala falwajibu tawakkufu لِأَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ تَرْجِحْ. Pourquoi on s'abstient ici? Parce que il n'y a pas d'élément ni d'indice ou de preuve supposant que l'un des deux sens est le sens le plus vraisemblable et plausible. Il n'y a pas d'élément qui prouve que l'un des deux sens supposés et le sens le plus plausible. Donc, natawakkaf. Et dans les deux premiers qu'on a cités, le premier, ma la yahtamil ta'wil, le premier cas, c'est lorsque le texte, le sens apparent, ici, n'admet pas d'interprétation. Ici, il ne suppose pas un autre sens. Il, ici, n'implique pas un autre sens. Dans ce cas-là, on doit prendre le sens apparent, dans ce premier cas. L'affaire ici est claire, puisque le sens du texte ici apparent ne suppose pas un autre sens, et donc interprétation. Dans ce cas-là, bimarna annahu yakuna nassan fil mawdu' wa an-nassiyatu laysat li dhat al-lafz walakin lil-lafzi وَلِمَا يُحِيطُ بِهِ مِنَ الْقَرَائِنِ فَقَدْ تَكُونُ الْكَلِمَةُ نَصًّا فِي سِيَاقٍ وَتَكُونُ فِي سِيَاقٍ آخَرٍ لَيْسَتْ نَصًّا فَيَا حَسْبَ السِّيَاقٍ وَالْقَرَائِنِ. Et le deuxième cas qu'il a cité, c'est lorsque le texte ou la parole peut supposer interprétation, donc deux sens, sauf que le sens interprété est invraisemblable, n'est pas le plus plausible, comme on a dit précédemment. Dans les deux premiers cas, comme dit l'auteur, فَيَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَأْخُذَ بِالظَّاهِرِ الْكَلَامِ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ وَهُوَ النَّصِ وَفِي الثَّانِ وَهُوَ الظَّاهِرِ. Dans les deux cas, il faut prendre l'apparence du texte. Dans les deux premier cas, sans le troisième. Contrairement, plutôt, au troisième cas. Donc ça, c'est ce qu'on avait appris à la fin de la dernière assise. Donc là, on l'a redétaillé pour que ça soit plus clair. Ensuite, après que l'auteur nous ait cité donc la règle, et qu'il nous ait dit dans cette deuxième règle, « Al-wajibu fi nusus al-Qur'an wa sunnati ijra'uha ala zahiriha duna tahrifin la siyama nusus al-sifat » Après que l'auteur ait dit ça, Donc, c'est la règle, comme on l'a appris précédemment, c'est ça qu'il faut retenir. Ensuite, il dit وَدَلِيلُ ذَلِكَ السَّمْعُ وَالْعَقْلُ. Maintenant, l'auteur, comme à son habitude, comme pour les règles précédentes, il mentionne les preuves. La preuve de ce qu'il prétend et revendique. Il mentionne les preuves. Et dit que les preuves sont aussi bien des preuves textuelles que des preuves rationnelles. Donc il va citer des preuves textuelles dans les textes sacrés, il va citer les preuves, indiquant cette règle que les textes, de manière générale, on les prend selon leur apparence. On aborde les textes selon l'apparence, surtout les textes, les preuves liées aux attributs d'Allah Azza wa Jal. On doit prendre ici, considérer le sens littéral et apparent. Qu'est-ce qui prouve cela? C'est ça lorsqu'il dit la preuve. Qu'est-ce qui prouve cela? Qu'il faille dans ce domaine-là prendre le sens apparent du texte. Il dit aussi bien les preuves textuelles, c'est-à-dire dans les textes sacrés, on a des preuves qui prouvent cette règle-là, mais aussi la raison humaine prouve cela. C'est ce qu'il va prouver. Donc il va prouver ça. Première preuve qu'il va citer dans les textes, c'est le verset 193 à 195 de la sourate Shu'ara, de la sourate Les Poètes. De la sourate Les Poètes. Lorsqu'Allah Azza wa Jal, regardez dans ce verset, Allah Azza wa Jal va faire allusion à Jibril, à l'ange Gabriel, alayhi salam, que la paix soit sur lui. Allah nous dit dans ce verset, Nazala bihi ar-ruhul amin. عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍ مُبِينٍ. Et dans une traduction relative du sens de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, traduction du sens approximative, l'Esprit fidèle est descendu avec lui sur ton cœur afin que tu sois parmi les avertisseurs en une langue arabe explicite. Et l'auteur, justement, ce verset est immense, et l'auteur va nous l'expliquer, va nous donner des points très importants du verset et le pourquoi il a cité ce verset pour prouver cette règle-là, pour prouver cette règle. Premièrement, donc, il dit, Allah Azza wa Jal nous dit, نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ. Allah nous fait part dans ce verset, comme on a dit, du verset 193 au verset 195 dans la sourate Les Poètes. Allah nous fait part que هذا القرآن, ce livre, le Coran, qui est la parole du Créateur, la parole d'Allah, نزل به الروح الأمين, l'esprit, si on traduit littéralement, l'esprit fidèle est descendu avec. Et là, vous avez pu comprendre que l'esprit fidèle s'est traduit de manière littérale. Ça fait allusion à l'ange Jibril, alayhi salam, l'ange Gabriel, comme on l'a dit précédemment. وَالرُّوحُ الْأَمِينُ وَجِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَصَفَهُ بِالْأَمَانَةِ. Et remarquez bien, c'est que Allah Azza wa Jal ici décrit l'ange Gabriel, l'ange Jibril, alayhi salam, que la paix soit sur lui. Il le décrit par Al-Amana. Il dit Al-Amin. Al-Amin. C'est-à-dire celui à qui le dépôt a été confié, celui qui est digne de confiance en cela. Al-Amin. Donc Allah Azza wa Jal l'a décrit comme étant Ar-Ruhu, Ar-Ruhu, Al-Amin. C'est pour ça qu'ici, il est traduit d'une manière littérale l'esprit fidèle. C'est-à-dire, وَصَفَهُ بِالْأَمَانَةِ. Allah Azza wa Jal l'a décrit, bi en arabe, par Al-Amana. Al-Amana. لِأَلَّا يَقُولَ قَائِلَ. Pourquoi? Regardez si vous remarquez bien. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il décrit Jibril, donc Allah nous enseigne et nous informe que Jibril est descendu avec le Coran. Et Allah nous informe au sujet de Jibril, bil amana, c'est-à-dire que c'est l'esprit fidèle, digne de confiance. Ici, l'auteur nous explique, pour pas qu'une personne puisse remettre en cause la fidélité de l'ange. Pourquoi ? Parce qu'il va porter la révélation et transmettre la révélation. Et donc Allah Azza wa Jal le décrit comme Al-Amin, celui qui a le dépôt et qui est digne de confiance, qui est fidèle. De sorte qu'une personne ne peut pas dire La'allahu khana fa'akhfa shay'an. Peut-être que l'ange aurait trahi le dépôt. Ou bien il aurait dissimulé quelque chose de la révélation. Allah nous informe à son sujet qu'il est Ruhu al-Amin. Donc déjà ici, le croyant est apaisé. Qui est-ce qui a transmis le Coran au prophète Mohammed, un homme parmi les humains? C'est l'ange, digne, fidèle, comme le Créateur subhanahu wa ta'ala le décrit. Donc ensuite, une personne ne pourrait pas s'interroger en disant peut-être que l'ange a trahi, ou peut-être qu'il a failli, ou peut-être qu'il a dissimulé et n'a pas tout transmis. Allah le décrit comme Al-Amin. لِأَنَّ الْمَقَامُ مَقَامٌ عَظِيمٌ. Et pourquoi ? Parce que les circonstances sont tellement grandes, comme nous explique l'auteur, les circonstances sont tellement grandes, le dépôt c'est la révélation. Allah Azza wa Jal a mandaté l'ange Gabriel, l'ange Jibril, que la paix soit sur lui, pour transmettre la révélation au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc les circonstances sont immenses. Maqamun iblar kalam rabb azza wa jal ila ibadi. Donc ici, les circonstances comme on l'a cité précédemment, le fait de transmettre la parole du Seigneur de l'univers à son serviteur. Fala budda an yakuna al-mursalu bihi aminan. Et donc, celui qui sera mandaté et sera envoyé pour la transmission de la révélation, il doit être doté et être décrit par Al-Amana, celui qui est fidèle. C'est pour ça que ce n'est pas en vain qu'Allah Azza wa Jal décrit Jibril alayhi salam dans le Coran comme étant Ar-Ruhu Al-Amin. Al-Amin. De là, le croyant et la croyante, du fait que cette description provient du Seigneur de l'univers, et c'est lui qui a mandaté l'ange Jibril alayhi salam. Qui est-ce qui a la meilleure connaissance de l'ange Jibril? C'est son créateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous dit qu'il est Al-Amin. Et donc, on n'a aucun doute, wa illa la hasal ash-shak wa taraddud. Et si ce n'était pas, il n'en était pas ainsi, alors ça pourrait ouvrir la porte à l'hésitation et au doute. Si celui, par exemple, qui est mandaté pour transmettre la révélation, n'est pas digne de confiance et fidèle. Ça peut ouvrir la porte au doute et à l'hésitation. Et donc Allah Azza wa Jal nous rappelle bien et nous enseigne bien que Jibril, c'est l'esprit fidèle, une traduction littérale. فَأَثْبَتَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ أَمَانَةَ الْوَسِطَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ. Donc Allah, Jalla wa Ala, dans ce verset, c'est pour ça que le verset est immense, on le médite, il nous rappelle ici la fidélité, ou al-amana, de celui qui était intermédiaire entre lui et son envoyé, le messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que les prières et la bénédiction soient sur lui. Wa huwa Jibril alayhi salam, wa annahu amin, thumma dhakara mahal an-nuzul, hal huwa ala al-sam' faqat, ou à l'alqalbi alladhi huwa mahal al-wa'i. Maintenant, écoutez bien. Qu'est-ce qu'ensuite Allah Azza wa Jal nous dit? Il nous dit au sujet de Jibril, nazala bihi ar-ruhul amin. Donc, Allah Jalla wa Ala nous dit dans ce verset, on a dit du verset 193 jusqu'au verset 195, il nous dit que Jibril donc est descendu avec le livre. Avec le livre sacré, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran. Ala qalbika. Et Allah dit, littéralement, regardez comment il est traduit ici, littéralement, sur ton cœur. Donc ici, Allah Azza wa Jal, est-ce qu'il a juste parlé d'écoute, que le prophète va l'entendre, le recevoir? Allah a dit sur ton cœur. Donc littéralement, il est dit, l'ange fidèle, l'esprit fidèle est descendu avec, sont traduits littéralement, avec, c'est-à-dire le Coran, sur ton cœur. Donc Allah Azza wa Jal rappelle et nous enseigne sur ton cœur. C'est-à-dire, et ça c'est un point très important comme va le stipuler ici l'auteur, il dit, ala qalbik, لأن الإنسان قد يرد على سمعي شيء ثم لا يفقه تماما. Pourquoi ? Sur ton cœur, il est bien précisé. Parce que parfois une personne, il peut entendre une chose peut lui être dite et enseignée, mais il n'a pas forcément compris. Donc la personne, on peut lui rapporter une chose, on peut lui dire une chose, lui faire entendre une chose, mais il a peut-être l'ayofka, il n'a peut-être pas compris ou tout compris des paroles qui lui ont été transmises. Mais ici, il est dit, ثم لا يفقه تماما لكن إذا كان ينزل على القلب. Par contre, si cette parole elle descend directement dans le cœur, الذي هو محل الوعي والحفظ والإدراك, alors que le cœur, c'est l'endroit qui réceptionne, de réception en quelque sorte. Ce récipient qui réceptionne, qui retient, qui est l'idrak ou qui a l'idrak, où il y a la conception, la compréhension. Sara hada aqwa fi thubutihi. Et donc, lorsque ça descend dans le cœur, alors on voit qu'il y a une force. Ici, de qala fi thubutihi, d'affirmation. L'affirmation est d'autant plus forte lorsqu'il est dit que ceci est descendu sur le cœur, sur ton cœur, c'est-à-dire le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Thumma bayyana al-illata min hadha al-inzal, yani la hikmata, qala litakuna min al-mandharin. Et donc on voit qu'il y a une différence. Lorsqu'il est dit que cela est descendu sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est, le sens est encore plus fort que s'il aurait seulement entendu. Parce que lorsqu'une chose pénètre le cœur, alors ici c'est qu'il y a compréhension et on retient la chose. Ensuite, à la fin du verset, l'auteur nous dit qu'Allah Azza wa Jal mentionne la raison. Pourquoi ? Jibril, l'ange Gabriel est descendu avec le livre. Ceci a été mis dans le cœur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur ton cœur. Pourquoi ? Quelle est la cause de cela ? Que Jibril descend avec le livre sur le cœur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme il est mentionné, on le mentionne littéralement. Pourquoi ? Quelle est la raison ? Allah Azza wa Jal dit, et va mentionner la raison, « Litakuna min al-mandharin » pour que tu comptes parmi les avertisseurs, pour que tu sois du nombre des avertisseurs. Et ça c'est « al-illa », c'est la cause, c'est la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Jibril au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui révéler le livre. وَقَوْلُهُ تَعَالَى. Et regardez ensuite dans le verset. Il est dit, ensuite Allah Azza wa Jal dit, عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذَرِينَ. Donc si on traduit littéralement le verset, l'esprit fidèle est descendu avec lui sur ton cœur afin que tu sois parmi les avertisseurs. Et Allah dit, بِلِسَانٍ عَرَبِيٍ مُبِينٍ. Et regardez, en une langue arabe explicite. En une langue arabe explicite. C'est-à-dire que le livre est descendu d'une langue arabe explicite. Donc on voit bien que la langue du Coran, Allah la décrit comme étant explicite. Dans le sens, elle est claire. C'est une langue claire. Et l'auteur va nous dire, dans l'explication et l'interprétation du verset, il dit وَقَوْلُهُ تَعَالَى بِلِسَانٍ عَرَبِيٍ مُبِينٍ بِلِسَانٍ مُتَعَلِّقٍ بِنَزَلَ. Lorsque vous revenez sur le verset, l'auteur va faire une sorte d'analyse. Il dit bilisanin, d'une langue, le terme d'une langue, il est lié à un autre terme dans le verset. D'une langue, il est lié à un autre terme dans le verset. Et il dit le terme d'une langue, il est lié au terme nazala, au verbe nazala. Il est descendu. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est descendu? Le Coran. Donc, le terme lisan est lié au verbe mentionné au début du verset nazala bihi ruhu al-amin, est descendu avec l'esprit fidèle sur ton cœur pour que tu comptes parmi les avertisseurs d'une langue arabe explicite. C'est le verset de manière littérale. D'une langue, ici, il est muta'alliq bi nazala. Il est lié au verbe descendre. Il est descendu donc d'une langue. Wallisan est la langue, yarni al-lughata al-arabiyya allati yantiqu biha al-arab. Et cette langue-là, comme vous avez bien comprendre, vous avez pu bien comprendre, c'est d'une langue arabe que parlaient les Arabes à l'époque. Sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été envoyé au sein d'une tribu arabe, à la base. Et naquit et faisait partie d'une tribu, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, arabe. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Regardez dans un verset, Allah Azza wa Jal dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ, et nous n'avons point envoyé de messager, illa bilisani qawmihi. Et nous n'avons point envoyé de messager, si ce n'est avec la langue de son peuple. لِيُبَيِّنَ لَهُمْ, pour qu'il leur clarifie. Pour que ce messager leur clarifie. فَكَانَ الْقُرْآنُ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍ مُبِينٍ. Donc, quelle est la description maintenant du Coran? Il n'y a aucun doute que le Coran est descendu d'une langue arabe claire et explicite. Et d'ailleurs, ça faisait partie des miracles à l'époque, le fait que le Coran est descendu d'une langue arabe claire et explicite. Et comme vous savez, à l'époque, dans la péninsule arabique, il y avait de nombreuses tribus arabes anciennes qui peuplaient la péninsule. Et il y avait différentes tribus et différents clans. Et parfois, selon les tribus, il y avait un langage propre à la tribu, c'est-à-dire des termes en arabe qui étaient propres à la tribu. De sorte que parfois, certains termes utilisés et employés en arabe par certaines tribus n'étaient pas forcément connus par d'autres tribus arabes. Comme par exemple, certains termes mentionnés, parfois le peuple de Quraysh, les Arabes qui peuplaient la Mecque à l'époque, dont était issu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parfois il y avait des termes employés par d'autres tribus non connues, l'utilisation était non connue de Quraysh. Comme c'est rapporté, il y a des histoires sur cela, comme ça c'est même été rapporté à l'époque de Omar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala an. Et l'un des miracles du Coran, c'est qu'il a réuni toutes les langues de ces différentes tribus, c'est-à-dire d'une langue arabe claire et explicite, et toutes ces tribus, les langages parfois qui étaient propres à certaines tribus, vous retrouvez cela dans le Coran. Et ça fait partie des grands miracles du Coran. De sorte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme il est clair et connu, le prophète lui-même était illettré. C'est un prophète à la base qui était illettré. ils n'avaient pas la connaissance de l'écriture. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Or, lui sera révélé un livre que même les plus grands linguistes et poètes du temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne pouvaient pas reproduire. Et d'ailleurs, il y a des versets où Allah azawajal défie les linguistes et les poètes de ce temps, Allah les défie de venir avec une sourate similaire. Et ce défi, ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu le relever, ce défi-là. Pourquoi ? Parce que la langue du Coran, c'est une langue immensément merveilleuse, claire, explicite, et les versets du Coran sont inimitables. On ne peut pas imiter le Coran. C'est pour ça qu'à l'époque, les grands linguistes, puisque à l'époque, les Arabes, pour eux, préserver la langue, ça faisait partie de la richesse. La langue était une richesse. Et les peuples à l'époque, les clans se vantaient de leur langue et de la protection, la préservation de leur langue. Et ça, c'était très important pour les Arabes. Et donc, il y avait de grands poètes à l'époque connus, qui étaient fervents, qui étaient érudits dans la langue arabe, mais ils n'ont pas pu reproduire. Ils n'ont pas pu relever le défi qu'Allah Azza wa Jal leur a donné dans le Coran de venir avec une sourate similaire. Et c'est pour ça que juste méditer sur la langue du Coran, c'est quelque chose d'immense. Regardez, si on comprend ça, remarquez. فَكَانَ الْقُرْآنُ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍ مُبِينٍ وَهَلْ مُبِينٍ بِمَعْنَى بَيِّنٍ أَوْ مُبِينٍ بِمَعْنَى مُظْهَرٍ أَوْ كِلَاهُمَا. Alors il dit, le Coran, Allah Azza wa Jal le décrit comme étant descendu d'une langue arabe moubine. Le terme qui est mentionné dans le Coran, Allah décrit la langue comme étant moubine. Moubine. L'auteur nous dit, est-ce que le sens de moubine, c'est bayin ou bien mudhar? Ou bien mudhar. C'est-à-dire, on pourrait comprendre le sens moubine. Si maintenant on va vraiment dans le sens, dans la linguistique arabe, de Moubine, on sait qu'il est, Allah Azza wa Jal le décrit le Coran comme étant descendu d'une langue qui est Moubine. Alors est-ce qu'il a le sens de Bayin? Bayin, clair, explicite. Donc, premier sens, il dit, est-ce que là, ça serait le sens de clair, explicite? Ou bien mudhar. Mudhar, dans le sens, on pourrait traduire littéralement, de apparent. Ici, il dit, donc, est-ce qu'il vient mubin, c'est le sens bayin, ou bien c'est le sens mudhar. Non caché, apparent, ici. Donc, ça peut être les deux sens. Et ça, c'est une faïda très importante, puisqu'ensuite l'auteur va nous enseigner quelque chose de très important. Donc, Allah Azza wa Jal, ce qu'on sait, c'est que le Coran, il nous le décrit dans le livre comme étant descendu d'une langue arabe, on peut rester sur le terme en arabe, moubine. Moubine. Moubine, maintenant, pourrait le comprendre sans bayin, bayin, c'est-à-dire descendu d'une langue claire, explicite. Ou bien ça pourrait être le sens mudhar, plus littéralement, une langue apparente. Mudhar. Il dit, ou bien, alors est-ce que ça veut sous-entendre bayin, mudhar, ou bien les deux? Il dit, al-jawab, la réponse, c'est que mubin, ici, al-jawabu kilahuma. Il dit, rassemble les deux sens. Mubin, ici, rassemble les deux sens. Li'anna abana takunu lazima wa takunu muta'addiya. Fayuqalu abana al-subh ay bana wa yuqalu abana al-khafi ay awdahahu wa adhara. Fahuwa bayyinun fi nafsihi mubinun lima yakhfa بلسان عربي مبين موضح لشيء وإذا كان قد نزل بلسان عربي فالواجب إذا فالواجب إذا تلون القرآن الكريم أن نحمل آياته على ما يدل عليه اللسان العربي فإن لم نفعل فقد حرفنا الكلمة عن مواضعه. Regardez ce que l'auteur maintenant nous dit. Dans le verset, Allah Azzawajal donc nous dit que l'ange Jibril alayhi salam est descendu avec le Coran sur le cœur du prophète et celui-ci est d'une langue arabe, on peut rester maintenant sur le terme en arabe, mubin. Et il nous dit le terme mubin, donc vous avez vu déjà le Coran, Allah Azzawajal, Allah a dit sur le cœur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas juste l'écoute, parce que l'écoute, on n'a pas forcément compris. Mais là, lorsque ça descend sur le cœur, là, c'est qu'il y a la réception, la compréhension, tamam, parfaite. Et ce Coran, Allah Azzawajal le décrit comme étant descendu d'une langue arabe moubine. Moubine, regardez. Moubine qui vient du terme abana. Abana, yubinu, en arabe. Abana, c'est le verbe au passé. Yubinu, c'est le mudari'a, c'est le présent. C'est le présent. Mubin, mubin. Celui-ci est mubin. Qala, pourquoi Cheikh il dit que mubin, ici on pourrait le prendre dans les deux sens. Parce qu'il pourrait avoir le sens de bayin, et là ça serait plus dans le sens de il est clair, explicite. Wa mudhar, il est apparent. Pour les autres. Il dit pourquoi le terme mubin pourrait rassembler les deux sens. Pourquoi? Parce que le verbe abana, il peut être lazim comme il peut être muta'addi. C'est-à-dire qu'il peut être transitif. Vous avez vu les verbes transitifs? Les verbes transitifs, c'est quand il y a un effet sur autrui. Lorsque il y a effet ou impact, lien avec autrui. Il est muta'addin. C'est là ce qu'on appelle muta'addi. Ou il peut être lazim. Lazim, c'est-à-dire, je ne vais pas dire régulier, mais dans le sens, il est non transitif. Et non transitif, il n'y a pas forcément d'impact ou d'effet sur autrui. C'est-à-dire, quel est le sens de cela? Abana, donc le verbe. Abana, le fait. Abana, c'est le fait d'être clair. Le fait d'être clair. Il peut être transitif comme non transitif, c'est-à-dire abana, donc on aura le terme mubin, mubin, yuqalu abana as-subh. Par exemple, on veut dire que lorsque le fajr, l'aurore, c'est l'aube est bien levée, et lorsqu'il devient clair, apparent, on peut dire abana. Abana as-subh. Abana ici, ça serait dans le sens qu'il est clair. L'aube là est apparente. Elle est claire. Abana. Est-ce que c'est transitif là? Est-ce que c'est muta'addin? Non. Là, c'est le subh en lui-même. L'aube, elle est décrite comme étant claire et apparente. Claire et apparente. وتكون متعدية فيقال أبانا الصبح أي بانا لأن أبانا تكون لازمة وتكون متعدية فيقال أبانا الصبح أي بانا ويقال أبانا الخفي أي أوضحه وظهره. Comme on peut dire aussi أبانا, donc vous avez dit lorsqu'on parle de, par exemple, à titre d'exemple, l'aurore, l'aube, on a dit, on peut dire en arabe أبانا الصبح, lorsqu'il est clair et apparent. Comme on peut dire, on peut utiliser le même verbe en arabe pour dire qu'une chose dissimulée est mise en évidence, est mise en apparence. Une chose dissimulée est mise en apparence. Par exemple, aban al-khafi. Aban al-khafi, al-khafi c'est quelque chose de dissimulé, de caché. On utilise abana cette chose cachée a été mise en évidence, en apparence, est apparue. Mais là, c'est dans le sens, elle a... Dans le sens, cette chose cachée et dissimulée a été mise en évidence. Et en apparence. Regardez. Aban al-khafi ay awdahahu wa dhahara. Fahuwa bayyinun fi nafsihi. Mubinun lima yakhfa. Regardez donc. Vous avez vu que le même verbe, abana, il peut être transitif comme en arabe, muta'addin, c'est le verbe transitif, comme il peut être lazim. Donc, ça peut être dans le sens premier, lorsque c'est lazim, lui-même est apparent, comme on a donné l'exemple pour le subh, pour l'aube, lui-même il est apparent, comme il peut être cause d'apparence pour autrui. C'est ça, muta'addin, transitif. Il est cause d'apparence pour autrui. Il l'a fait apparaître. Ce qui était caché, il l'a fait apparaître. Vous avez vu les deux sens? Donc, il peut être apparent lui-même comme il peut mettre en apparence. C'est ça ce que veut nous expliquer Cheikh ici, l'auteur ici. Est-ce que le terme, lorsqu'il est dit que le Coran il est descendu d'une langue arabe moubine, souvent traduite par explicite, est-ce que ça veut dire que c'est dans le sens de bayin, c'est que lui-même il est clair et explicite, ou bien c'est dans le sens que il met en évidence et en apparence autre. Cheikh dit ça a les deux sens. Ça rassemble le terme mubin, ça rassemble les deux sens. Et là, il va bien le stipuler. Il va dire فَهُوَ بَيِّنٌ فِي نَفْسِهِ مُبِينٌ لِمَا يَخْفَى بِلِسَانٍ عَرَبِيٍ مُبِينٌ وَمُوَضِّحٍ لِلشَّيْءٍ. Et donc, le Coran, en fait, qu'est-ce qu'on peut maintenant déduire et comprendre en résumé? C'est qu'Allah Azzawajal nous décrit que le Coran est descendu d'une langue arabe explicite. Quel est le sens d'explicite ici? Il est explicite en lui-même, il est clair, explicite en lui-même, et met en évidence, met en clarté ce qui n'était pas forcément clair. Vous comprenez que le sens mubin rassemble aussi bien le sens de bayin ou mudhar, c'est-à-dire qu'il dit, l'auteur dit, lui-même c'est une langue qui est en elle-même claire, explicite, mais wa muwaddih li shay, et qui met en clarté autre. Wadah al-kalam, vous comprenez? Pourquoi l'auteur nous explique cela? Pour en venir où? Vous allez comprendre. Il dit wa idha kana qad nazala bi lisanin arabiyyin fal wajib idha taluna al-quran al-karima an nahmila ayatihi ala ma yadullu alayhi al-lisan al-arabi fa in lam naf'al faqad harrafna al-kalim. Regardez ce qu'il va dire. Donc si maintenant on a compris cela, que le Coran est descendu d'une langue arabe claire et explicite. Le Coran est descendu d'une langue arabe qui est immensément explicite. Elle est claire, la langue arabe. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui incombe? Ça indique qu'il faille prendre le sens apparent du texte. Qu'il faille prendre ici le sens apparent du texte et ne pas falsifier le sens du texte. Pourquoi? Parce qu'il dit fal wajib ida talun al-Qur'an al-Karim an nahmila ayatihi ala ma yadullu alayhi lisan al-arabi, c'est-à-dire en d'autres termes plus clairs, il dit donc lorsqu'on est face à des versets, pour comprendre ces versets-là, ces passages du Coran, il faut se référer aux indications de la langue arabe. Qu'est-ce que la langue arabe indique à ce moment-là? Si on ne revient pas aux indications de la langue arabe, pourquoi? Parce qu'on a appris précédemment qu'il est descendu d'une langue arabe claire, explicite. Si on ne le fait pas, alors on aura falsifié le sens du texte. On aura falsifié, ça peut être le sens ou bien l'énoncé même du texte. C'est pour ça qu'ensuite l'auteur fait suivre ce verset-là qu'il a mentionné par un autre verset, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Et là, l'auteur ensuite cite un autre verset et dit « Inna anzalnahu » Certes, nous l'avons fait descendre « Qur'anan arabiyan la'allakum ta'qilun » Certes, nous avons fait descendre un Coran arabe, peut-être feriez-vous preuve de raison. Traduction relative du sens du verset. Peut-être ferez-vous preuve de raison. وَالدَّمِيرُ فِي أَنزَلْنَاهُ مَفْعُولٌ وَقُرْآنًا عَرَبِيًّا حَال يَعْنِي. Là, ici, l'auteur maintenant fait une analyse grammaticale. Il fait une analyse grammaticale du verset. Que nous, je le lis en arabe et on fera la traduction dans la prochaine assise de demain, inshallah. والضمير في أنزلناه مفعول والقرآن عربيا حال يعني حال كونه قرآنا عربيا منسوبا إلى لغة العرب فلا يمكن أن ينسب إلى غيرها ولا يمكن أن يعدل به عما تدل عليه هذه اللغة العربية وكفى باللغة العربية فخرا أن ينسب القرآن الكريم إليها. Donc vous allez voir que l'auteur va mentionner différents versets. Pourquoi ? Parce que là on est dans les preuves scripturaires, dans les preuves textuelles. Puisque l'auteur dans cette règle-là, il nous enseigne que les textes, et les textes de manière plus précise, les versets qu'on appelle ayat ou sifat, on doit les aborder, les prendre selon leur apparence. Selon leur apparence. Et là, il dit qu'aussi bien les preuves textuelles indiquent cela, cette règle-là qu'on a apprise, et aussi bien les preuves rationnelles liées à la raison humaine prouvent et indiquent cela. Vous allez voir dans ce qui va suivre dans les prochaines assises, cette règle-là est très importante. Cette règle-là est très importante parce que si on l'assimile bien, ça va nous aider à comprendre la troisième règle, la règle prochaine qui arrive. Et c'est ça la... qui fut l'objet d'une grande divergence, puisque comme on l'a dit dans des assises précédentes, dans les siècles anciens et les siècles précédents, les débats théologiques, dans les sociétés par exemple musulmanes et autres, c'était les débats de société à l'époque. C'était des grands débats théologiques. Et donc dans les sociétés musulmanes par exemple, ces sujets-là, c'était des sujets à débat. Des sujets vraiment... à débat. Et l'une des divergences qu'il y a eu entre les savants partisans de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du groupe de l'Jama'a depuis l'époque des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les doctrines émergentes plus tard, l'une des divergences était sur l'interprétation des versets d'attributs. Pour ça je dis bien, comprenez bien, il y a des textes, que ce soit des versets ou des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on appelle ayat al-sifat. Ayat al-sifat. Au nusus, de manière plus générale, les versets d'attributs, plus précise plutôt, et de manière plus générale, les textes d'attributs. Depuis les premiers temps, les savants, les textes d'attributs, ils ne les interprètent pas. Allah Azza wa Jal nous informe à son sujet, les attributs mentionnés par exemple dans ces versets ne sont pas assujettis à l'interprétation. On doit les prendre comme le sens apparent est venu, comme c'était rapporté dans le Coran. D'ailleurs, les compagnons, il n'est pas rapporté de compagnons qu'ils aient soit interprété ayat al-sifat, c'est pour ça dans de nombreux écrits, dans de nombreux poèmes, dans de nombreuses œuvres, dans la croyance, vous allez voir, beaucoup de savants stipulent cette règle-là. Beaucoup de savants stipulent, comme dans le poème Lamia, ce célèbre poème, Lamia, où l'auteur dit « Yassaili an madhabi wa aqidati ruziq al-huda mal hidayati yassalu isma kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yanthani anhu wa la yatabaddalu » حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القرب بها أتوسل ولكلهم فضل وقدر ساطع لكنما الصديق منهم الأفضل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. Regardez ce qu'il dit. وأقول في القرآن ما جاءت به. Certains, ce poème-là, ils l'ont attribué au cheikh de l'islam. Et d'autres, non. Une divergence chez les savants sur l'attribution du poème. Mais où que les savants sont d'accord, c'est que les sens des vers sont clairs et sont vrais. Et c'est le credo, le dogme des gens de la sunna et des partisans de la sunna depuis les premiers temps. Regardez ce qu'il dit pour terminer, dans des très beaux vers. Et il dit « Wa aqulu fil qur'ani ma ja'at bihi ». Après qu'il ait fait une introduction, qu'il ait parlé de la créance en compagnon du prophète, ensuite il dit « Wa aqulu fil qur'ani ma ja'at bihi ». Et je dis sur le Coran ce qui a été rapporté. « Ayatuhu fahuwa al-kalimul munzalu ». Donc là il parle du Coran. Ensuite il dit « Wa aqulu fil qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fahuwa al-kalimul munzalu ». وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. Regardez, l'auteur du poème dit: et je dis Allah a dit, et son élu, المصطفى الهادي, son élu bien guidé, a dit sans avoir recours à تأويل. ولا أتأول. Et il dit: je n'interprète pas. Et regardez: وجميع آيات الصفات أمرها حق. Et là, il vient au verset d'attribut. Donc, il va citer de manière particulière les versets d'attribut. وَأَقُولُ فِي الْقُرْآنِ مَا جَاءَتْ بِهِ آيَاتُهُ فَهُوَ الْكَرِيمُ الْمُنْزَلُ وَأَقُولُ قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ وَالْمُصْطَفَى الْهَادِي وَلَا أَتَأَوَّلُ وَجَمِيعُ آيَاتِ الصِّفَاتِ. Qu'est-ce que vous entendez? آيَاتِ الصِّفَاتِ. Les versets d'attribut. Regardez ce qu'il dit. Et tous les versets d'attribut. وَجَمِيعُ آيَاتِ الصِّفَاتِ أُمْرُّهَا حَقًّا كَمَا نَقَلَ الطِّرَازُ الْأَوَّلُ. Et dit, tous les versets d'attribut, je les prends comme les premiers modèles. حَقًّا, je les prends en vérité, كَمَا نَقَلَ الطِّرَازُ الْأَوَّلُ. Comme les ont transmis les premiers modèles, c'est-à-dire les premières générations. Comme les premiers, les anciens, les ont transmis. C'est-à-dire, آيَاتِ الصِّفَاتِ, les versets d'attribut, on les prend comme ils sont venus. Allah nous informe à son sujet. C'est dur, par exemple, lorsqu'Allah dit à son sujet une chose, de dire telle chose veut dire telle chose. Ou telle chose veut dire telle chose. Puisqu'on parle sur Allah, subhanahu wa ta'ala. Par exemple, dans le Coran, Allah azzawajal nous informe de l'attribut des mains. Le Coran, pour ça l'auteur nous dit, le Coran est descendu d'une langue claire et explicite. Si Allah pardon, voulait sous-entendre autre chose que les mains, Allah aurait dit le terme. Si c'était sa justice, si ça sous-entendait sa justice ou autre chose, ou sa puissance, Allah azzawajal aurait cité la puissance, la justice. Lorsqu'Allah azzawajal cite qu'il est élevé au-dessus de son trône, Al-Istiwa, le sens est clair. C'est descendu d'une langue arabe explicite et claire. Donc, c'est pour ça que la règle depuis les premiers temps, et on verra plus en détail dans ce qui viendra, Ayat al-Sifat, les versets d'attributs, où il y a mention d'attributs, comme a dit Sahib al-Lamiya, wa Ayat al-Sifat umruha haqqan kama naqara al-tirazul awwalu wa aruddu uhdataha ila nuqaliha وَأَصُونُهَا عَنْ كُلِّ مَا يُتَخَيَّلُ قُبْحًا لِمَنْ نَبَذَ الْكِتَابَ وَرَاءَهُ وَإِذَا اسْتَدَلَّ قَالَ الْأَخْطَلُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَصَلَى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وَبَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ